forêt, sous l'écorce, les insectes, les arbres et leur grandeur, comme si on les traversait, on finit à la lisière. Une lumière, celle du ciel, et un bleu, un peu foncé, un peu fumé, des volatiles, incrustés, puis plus au fond, dans l'image, des couleurs, plus en plus vertes, même marron foncé. Une rivière s'y écoule, et sur le bord, des bêtes s'y abreuvent. Dans les herbes étaient là, tout le sauvage, des êtres à quatre pattes, de différentes tailles. Le reste se fond bien plus loin, jusqu'au sable. Jaune, et les reptiles fondent leurs œufs. Voilà enfin le bleu turquoise de l'océan, sur les corails, les vagues, les vagues, comme un goéland. Voir les queues des baleines, puis plonger dedans l'eau si claire. Tous ces nageurs, hors pair, toutes ces formes, le noir submerge la vision.